2A. L'entretien. Entrez, je vous en prie. Madame Nespopoulos, j'ai lu votre CV. Vous avez fait de brillantes études. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Mon Dieu, comme il est beau! Bien, je vous écoute. La fête. On se voit demain? Ok, j'apporte quelque chose, du vin. Bonjour, entrez, entrez. Vous avez trouvé sans problème? Oui, oui, tes indications étaient très claires. Je te présente ma collègue, Marie. Bonjour, enchantée. Mais asseyez-vous donc. Qu'est-ce que je vous offre? Salut Paul, vas-y, entre. Salut. Qu'est-ce qu'il est mignon. Assieds-toi si tu veux. Merci.